truc. Ma période Calogero. Ah ouais, je sais pourquoi. C'est dur à caler. Merde, j'arrive pas à le caler. Pas carré. Bizarre, ça tourne à 117, non? J'arrive pas à caler le truc. Pas 117.